Chapitre 36 La passe miroir. Baissez toujours les yeux en présence du seigneur Farouk. Mais que ça ne t'empêche pas de te tenir droite. Ne prenez la parole que si vous y êtes expressément invité. Montre-toi franche, comme un sifflet. Vous devez mériter la protection qui vous est offerte, Ophélie. Faites preuve d'humilité et de gratitude. Tu es la représentante des animistes, ma fille. Ne laisse personne te manquer de respect. Assaillie par les recommandations contradictoires de Bérénilde et de la tante Roseline, Ophélie n'écoutait ni vraiment l'une ni vraiment l'autre. Elle essayait d'amadouer l'écharpe qui, moitié folle de joie, moitié folle de colère, s'enroulait autour de son cou, de ses bras et de sa taille, de peur d'être à nouveau séparée de sa maîtresse. « J'aurais dû brûler cette chose quand vous aviez le dos tourné !» soupira Bérénilde en agitant son éventail. « On ne fait pas son entrée à la cour du pôle avec une écharpe mal éduquée !» Ophélie ramassa l'ombrelle qu'elle venait de faire tomber. Bérénilde l'avait affublée d'un chapeau à voilette et d'une robe couleur vanille, légère comme de la crème fouettée, qui lui rappelait les toilettes de son enfance à l'époque où toute sa famille sortait pique-niquer en été. Cette tenue lui paraissait infiniment plus incongrue que son écharpe sur une arche où le printemps n'excédait pas les moins 15 degrés. Leur ascenseur s'immobilisa en douceur. « L'opéra familial, mesdames !» annonça le groom. « La compagnie des ascenseurs vous informe qu'une correspondance vous attend de l'autre côté du hall. » La dernière fois qu'Ophélie avait traversé le parquet étincelant du hall de l'opéra, elle portait une livrée de valet à la place d'une robe de dame et une rame au lieu d'une ombrelle. Elle avait l'impression d'avoir troqué un déguisement pour un autre, mais une chose restait inchangée. Elle avait toujours aussi mal à sa côte. Un nouveau groom vint à leur rencontre en tirant sur son chapeau à élastique. « Votre correspondance vous attend, mesdames. Le seigneur Farouk a manifesté son ardent désir de vous recevoir. » En d'autres termes, il s'impatientait déjà. Bérénilde prit place dans l'ascenseur, comme si elle flottait sur des nuages. Ophélie, elle, marchait plutôt sur des œufs en passant devant le régiment de gendarmes qui gardait la grille de l'entrée. Elle ne trouvait pas tellement rassurant de bénéficier d'une telle protection pour monter un seul étage. « Nous ne sommes plus à l'ambassade », avertit Bérénilde tandis que le portier refermait la grille d'or. « À compter d'aujourd'hui, ne mangez rien, ne buvez rien. » « N'acceptez aucun présent sans mon autorisation. Si vous tenez à votre santé ou à votre vertu, vous éviterez également les alcôves et les couloirs peu fréquentés. » La tante Roseline, qui s'était emparée d'un chou à la crème sur le buffet appétissant de l'ascenseur, le reposa sans sourciller. « Quelles mesures envisagez-vous de prendre concernant notre famille ?» demanda Ophélie. « Il est hors de question de les faire venir ici. » Rien que d'imaginer son frère, ses sœurs, ses nièces et ses neveux dans ce nid à serpents, cela lui donnait des sueurs froides. Bérénilde s'assit voluptueusement sur l'une des banquettes de l'ascenseur. « Faites confiance à Thorne pour régler ce problème avec son efficacité habituelle. Pour le moment, souciez-vous surtout de ne pas produire une trop mauvaise impression sur notre esprit de famille. Notre avenir à la cour dépendra en partie de l'opinion que Farouk se fera de vous. » Bérénilde et la tante Roseline renouvelèrent aussitôt leurs recommandations, l'une voulant corriger l'accent d'Ophélie, l'autre le préserver, l'une demandant de garder l'animisme pour l'intimité, l'autre de le mettre publiquement en avant, à croire qu'elles avaient chacune répété leur texte toute la journée. Ophélie épouilla l'écharpe de ses peluches, autant pour la calmer que pour se calmer elle-même. Derrière la voilette de son chapeau, elle serrait les lèvres afin de contenir sa pensée. Confiance et Thorne. Elle ne ferait plus l'erreur de mettre ces deux mots côte à côte. La petite conversation qu'ils avaient eue la veille n'y changerait rien, quoique monsieur l'intendant en pensât. Alors que l'ascenseur craquait de tous ses meubles à la façon d'un luxueux navire lancé sur les flots, Ophélie avait l'impression que ces bruits émanaient de son propre corps. Elle se sentait plus fragile que le jour où elle avait vu Anima disparaître dans la nuit, que le jour où sa belle famille s'était fait les griffes sur elle, que le jour où les gendarmes l'avaient rouée de coups, puis jetée aux oubliettes du clair de lune. Si fragile, en fait, qu'il lui semblait qu'elle pourrait voler en éclats à la prochaine fêlure. « C'est ma faute », songea-t-elle avec amertume. Je m'étais promis de ne rien attendre de cet homme. Si j'avais tenu ma promesse, je ne serais pas dans un tel état. » Acquiesçant machinalement aux conseils qu'on lui donnait, Ophélie fixait avec appréhension la grille dorée de l'ascenseur. Dans quelques instants, elle s'ouvrirait sur un monde plus hostile que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle n'avait aucune envie de sourire à des gens qui la méprisaient sans la connaître, qui ne voyaient en elle qu'une simple paire de mains. Ophélie fit à nouveau tomber son ombrelle, mais cette fois, elle ne la ramassa pas. À la place, elle contempla ses gants de liseuse. Ses 10 doigts étaient exactement comme elle. Ils ne lui appartenaient plus. Elle avait été vendue à des étrangers par sa propre famille. Elle était désormais la propriété de Thorn, de Berenhild et bientôt de Farouk, 3 personnes en qui elle n'avait aucune confiance, mais auxquelles elle devrait se soumettre pour le restant de ses jours. Le compartiment s'immobilisa si brutalement que la vaisselle du buffet tintinabula, le champagne se répandit sur la nappe, Berenhild porta les 2 mains à son ventre et la tante Roselyne jura au nom de tous les escaliers du monde qu'on ne l'y reprendrait plus à monter à bord d'un ascenseur. « Que ces dames veuillent accepter toutes les excuses de la compagnie !» se désola le groom. « Ce n'est qu'un petit incident mécanique. L'ascension reprendra dans quelques instants. » Ophélie ne comprenait pas pourquoi ce garçon s'excusait alors qu'il méritait toute sa reconnaissance. Le choc avait été si douloureux pour sa côte qu'elle en avait encore le souffle coupé. C'était plus efficace que n'importe quelle gifle. Comment avait-elle pu se laisser aller à ressasser des pensées aussi défaitistes? Ce n'était pas seulement les autres, c'était elle, Ophélie, qui avait construit toute son identité autour de ses mains. C'était elle qui avait décidé qu'elle ne serait jamais rien d'autre qu'une liseuse, une gardienne de musée, une créature plus adaptée à la compagnie des objets qu'à celle des êtres humains. Lire avait toujours été une passion. Mais depuis quand les passions étaient-elles les seules fondations d'une vie? Ophélie releva les yeux de ses gants et tomba sur son propre reflet. Entre 2 fresques d'illusions où des faunes jouaient à cache-cache avec des nymphes, une glace murale renvoyait un écho de réalité, une toute petite femme en robe d'été, son écharpe tricolore amoureusement enroulée autour d'elle. Pendant que Berenhild menaçait le pauvre groom de le faire pendre si ce choc d'ascenseur avait la moindre incidence sur sa grossesse, Ophélie s'approcha lentement de la glace. Elle souleva la voilette de son chapeau et s'observa attentivement, lunette contre lunette. Bientôt, quand les hématomes se seraient résorbés, quand la griffure de Freyja se serait transformée en cicatrice sur la joue, Ophélie retrouverait un visage familier. Mais son regard, lui, ne redeviendrait jamais comme avant. À force de voir des illusions, il avait perdu les siennes, et c'était très bien comme ça. Quand les illusions disparaissent, seule demeure la vérité. Ses yeux-là se tourneraient moins vers l'intérieur et davantage sur le monde. Ils avaient encore beaucoup à voir, beaucoup à apprendre. Ophélie plongea le bout de ses doigts dans la surface liquide du miroir. Elle se rappela soudain cette journée où sa sœur lui avait fait la leçon au salon de coiffure quelques heures avant l'arrivée de Thorn. Que lui avait-elle dit déjà? Le charme est la meilleure arme offerte aux femmes, il faut en servir sans scrupule. Alors que l'ascenseur reprenait sa montée, l'incident mécanique ayant été résolu, Ophélie se fit la promesse de ne jamais suivre le conseil de sa sœur. Les scrupules étaient très importants. Ils étaient même beaucoup plus importants que ses mains. Passer les miroirs, avait dit le grand-oncle avant leur séparation, ça demande de s'affronter soi-même. Tant qu'Ophélie aurait des scrupules, tant qu'elle agirait en accord avec sa conscience, tant qu'elle serait capable de faire face à son reflet chaque matin, elle n'appartiendrait à personne d'autre qu'elle-même. « C'est ce que je suis avant d'être une paire de mains, » conclut Ophélie en sortant ses doigts de la glace. « Je suis la passe-miroir. »« La cour, mesdames !» annonça le groom en abaissant le levier du frein. La compagnie des ascenseurs espère que votre ascension a été agréable et vous présente toutes ses excuses pour ce retard. Ophélie ramassa son ombrelle, emplie d'une détermination nouvelle. Cette fois, elle était prête à braver ce monde de faux-semblants, ce labyrinthe d'illusions, bien décidée à ne plus jamais s'y perdre. La grille d'or s'ouvrit sur une lumière aveuglante.